Bonjour à tous et bienvenue dans Freaks et Merveilles, une émission sur les arts vivants queer. Aujourd'hui dans Freaks et Merveilles, je reçois un heptathlonien de la scène, à la fois danseur, acrobate, clown, pôleuse, artiste de rue, de cabaret, de théâtre ou de chapiteau. Le souffle manque pour tout énumérer. Son art fait du bien par son génie bête parfois, son féroce engagement souvent. Aujourd'hui, je reçois Maro. Bonjour Maro. Bonjour Croche. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à cette petite présentation? C'est super, je suis aussi l'enfant le plus drôle de ma fratrie. C'est très important. Ouais, je suis artiste de scène et j'écris et je suis pédagogue. Ça, c'est une. Ah oui. C'est un volet de mon activité auquel je tiens très fort. Oui, tu as une grosse activité de prof, notamment de pôle, mais pas que. Pas que. Pôle, danse et cette année scolaire, j'ai fait professeur en projet personnel, accompagnement projet personnel dans une école professionnalisante. Oh waouh, super. Et donc c'est vraiment accompagné à ce que des circassiens, circassiennes créent leur propre forme C'est pour les élèves d'un cursus de 4 ans. Mm-hmm. Et l'idée, c'est de les aider à se développer dans leur propre signature et leur proposition scénique dans un parcours où le but, c'est de devenir professionnel. Soit interprète autoriste, soit autoriste. Super. Parce que dans le monde du cirque, c'est une grande question, mais il n'y a pas une division aussi claire entre, comme on aurait dans le théâtre, l'auteur, le metteur en scène et le comédien, ou en danse, le chorégraphe, le directeur, le danseur. Ah oui, ouais. On est un peu tout à la fois quand on fait du cirque un peu plus. Pas forcément, mais c'est moins cloisonné. Ouais. Mais justement, en parlant de cloisonnement avant de rentrer dans le vif du sujet... C'est vrai que tu fais partie de ces personnes où je me dis, tiens, j'ai un peu conscience d'une partie de ta vie professionnelle, notamment par la BAP, par la pôle, par le côté cabaret, mais en fait, t'en as genre 10 autres. Ça va de vivre dans autant de milieux et de catégories comme ça? C'est un acte de jonglage. C'est un acte de jonglage parce que ça veut dire que je développe plusieurs activités professionnelles en simultané. Et que je dois, entre guillemets, keep up avec des gens qui font, entre guillemets, que ça. Ouais. C'est un acte de jonglage aussi, parce que si à un moment je donne un peu trop de cours, je me dis les gens de la scène vont oublier que je fais de la scène, parce qu'on vit aussi dans un monde où on part du principe que les gens sont ce qu'ils montrent. Mm-hmm. Mais j'ai toute ma gestion réseau, par exemple, c'est où ça fait un moment que je poste pas un truc intelligent, où ça fait un moment que je poste pas un truc cabaret, où ça fait un moment que, etc. Ah oui. Mais ouais, c'est un acte de jonglage, j'adore, mais c'est pas évident. Eh ben, on aura l'occasion de reparler de ce côté multimilieu et du coup parfois multi-enjeu. Mais avant ça, je voulais revenir sur une notion essentielle que d'ailleurs je cite en ouverture de chaque émission, c'est la notion de queer. Parce qu'en préparant l'émission, on en a un petit peu parlé. Et tu me disais que pour toi, c'était important justement de revenir sur en fait qu'est-ce que ça veut dire queer et qu'est-ce que ça veut dire dans quel contexte et dans quel milieu. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça? Tout à fait, croc. moi, c'est un terme auquel je pense, c'est un terme que moi j'utilise parce que j'aime bien, en tant que quelqu'un de très privé, quand tu dis queer, en fait, on ne sait pas, c'est par rapport à l'identité, c'est par rapport à l'orientation sexuelle, c'est dans quel sens. Moi, j'aime bien parce que ça marque mon appartenance à une communauté sans trop dévoiler. Parce que je suis quelqu'un de, comme on disait, très privé, d'autant plus que mon métier implique de se mettre en avant et un certain exhibitionnisme. Mmh. Et que du coup, je tiens très très fort à ne pas être entièrement quelqu'un de public. Ah oui, à garder des zones intimes, ouais, et privées et mais à du l'abri coup, du regard. Tout à fait. Et j'aime bien ce terme pour cette raison. Après, je sais qu'il y a aussi pas mal de critiques, notamment dans ce qu'on appelle... le sud global, par rapport au fait que queer, c'est une nomenclature du nord global. Donc très rapidement, pour les personnes qui ne sauraient pas sud global et nord global, donc, de ce que je comprends, sud global, c'est un peu ce qu'on appelait avant le tiers-monde, d'une manière déjà un peu dégradante, quoi. Mmh. C'est-à-dire, en fait, des pays en voie de développement, comme on disait ici. Enfin, on sent qu'il y a toute la nomenclature un peu colonisatrice qui fait son entrée, hein, de « nous, on est développés, vous, vous êtes en voie de développement », etc. Mais donc, voilà, c'est des personnes qui sont plutôt dans l'hémisphère sud, enfin, des pays qui sont plutôt dans l'hémisphère sud et qui ont subi du colonialisme, qui ont subi tout un tas d'oppressions par le Nord global, qui serait plutôt le monde occidental, entre guillemets, c'est-à-dire l'Europe, les États-Unis, Israël, etc. Globalement, oui. Après, ce n'est pas quelque chose de strict. Par exemple, moi, je viens du Mexique, qui est officiellement l'Amérique du Nord. Mm. Les gens, j'aime bien corriger les gens, mais parce que je suis vraiment quelqu'un de chiant. parce qu'on me dit, ah, tu viens d'Amérique du Sud. Non, je viens du Nord. Mm-hmm. L'Amérique du Nord, c'est le Canada, le Mexique et les États-Unis. Et puis, il y a l'Amérique centrale que tout le monde oublie. Oui. mais du coup, oui, il y a cette question où c'est globalement, c'est plus ou moins des pays au Nord, globalement, plus ou moins des pays au Sud. Il y a des questions de colonisation. Il y a le fait que la nomenclature même, effectivement, elle est très coloniale, très impérialiste. Elle part du principe que toute l'évolution humaine, c'est sur une ligne où l'Europe et les États-Unis et les pays riches et les nations blanches sont en avant et tout le monde vient à la queue leu derrière parce qu'on ne conçoit pas d'autres façons de faire société, d'autres façons de faire système politique. Et ouais, on part du principe que tout le monde est sur cette même ligne. Mmh. D'ailleurs, à l'époque, la France parlait de sa mission civilisatrice pour justifier son colonialisme. Et au passage, les Blancs et Blanches ont éradiqué des modèles de société où, par exemple, il y avait une fluidité de genre qui n'est pas du tout dans la binarité qu'on connaît chez nous, etc. Donc, en fait, beaucoup de modèles de société autres ont été complètement... mis au rang de l'histoire par le colonialisme blanc, quoi. Mais donc, tu nous disais que queer, c'est déjà une notion qui est assez critiquée dans les milieux qui sont plus reliés au sud global. Il y a une vague de... Je suis en train de checker que je ne dise pas des bêtises. Il y a des personnes, notamment des militants, militantes, et de nouveau, aucune communauté n'est monolithique. Donc, c'est des individus, je ne vais pas dire toutes les personnes du Sud global sont d'accord sur ce point-là. Il y a Michaela Drullar, qui est une militante qui ne se définit pas comme trans, qui se définit comme travestie, afrodescendante, dominicaine, qui vit au Mexique depuis plusieurs années. Qui est super, genre, ça vaut le coup d'apprendre l'espagnol juste pour elle. mais qui justement dit que dans cette même logique de le tiers-monde, etc., la notion de queer telle qu'on la comprend aujourd'hui, elle se bâtit sur cette même logique de c'est l'Europe et les pays blancs du Nord qui dictent vers où on va. Et aussi, ce qui est queer, ce qui n'est pas queer, etc. Et qu'est-ce que queer et qu'est-ce que la queeritude. Et aussi, en fait, quand nous, ici, en Europe, à Bruxelles, on dit queer, on parle des identités et des codes et des manifestations culturelles et esthétiques et de mode de la queeritude européenne, plutôt occidentale, plutôt dans certains milieux de classe, etc. Et moi, un truc qui m'a beaucoup frappée, c'est le cas de cette personne camerounienne, Richard. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, c'était il y a environ 2 ans. Mm-hmm. Il y a une grande mobilisation qui s'est faite, organisée par le collectif Soussou, qui est un collectif de justice sociale afro-descendant. Donc Richard, c'est un homme camerounien qui était en centre de détention en attendant la réponse pour une demande d'asile sur base de persécution de par son identité LGBT. Et ce qui s'est passé avec lui, et qui est très courant et dont on n'est pas forcément au courant dans nos milieux, et que en politique migratoire européenne, c'est très... Bah, déjà, tu pars du principe que tous les étrangers mentent, que tout le monde veut venir en Europe, qu'on ne peut pas faire confiance, que les étrangers vont dire tout et n'importe quoi pour venir ici. Mm-hmm. Mais justement, ces identités queer telles que nous, on les connaît, elles sont brandies pour rejeter les demandes d'asile de personnes qui n'incarnent pas ces façons de se présenter, ces expressions de genre, par exemple. Typiquement, par exemple, cette personne, Richard... était considérée comme trop masculine, trop mexiste. trop mexicette, pas assez efféminé, pas assez amanéré, pas assez queer selon nos codes. Et donc, c'est qui montait. Et donc, c'est qui montait, c'était un hétéro qui voulait venir. Et ce n'est pas un cas isolé, c'est un truc, c'est une question dont il faut, je pense, être un peu vigilant, vigilante, de ne pas faire un peu un move très européen qui est de se centrer en tant que norme universelle. Oui. De se voir en tant que personne neutre, et parce que ça peut nuire à autrui, même à des gens de notre communauté. Mais oui, d'ailleurs, ça me fait penser à... Il y a de plus en plus d'événements qui se revendiquent inclusifs, qui revendiquent de prendre en compte une certaine intersectionnalité, donc qui, comme je le comprends, est rapidement le fait que des personnes peuvent être au carrefour de plusieurs discriminations, par exemple être à la fois queer et à la fois racisées, et que ça crée des discriminations spécifiques. Et du coup, dans ton vécu ou ton expérience, qu'est-ce qui fonctionne ou pas pour justement améliorer cette inclusivité, pour avoir une vraie intersectionnalité et pas juste une espèce de bannière qu'on prend différemment, mais où au final, en arrière-boutique, on reproduit les mêmes discriminations qu'ailleurs ? Oh, Seigneur, tu veux que je trouve toutes les solutions ? Oui, je veux la vérité. Je ne sais pas, mais déjà là, par exemple, je pense à ma première recommandation auditoriste sur tel carnet. C'est le livre « Et un jour, je suis devenue arabe » d'Anna Zaïf, journaliste, je crois qu'il est basé à Paris, crois qu'il est d'origine parisienne, si je ne dis pas de bêtises, mais justement qui parle du fait d'être quelqu'un de musulman et de queer, cette espèce de « je viens dans les milieux LGBT et je suis trop arabe », je viens dans certains milieux arabes ou musulmans et queer est un problème. Et cette conciliation d'identité, et c'est quelqu'un qui, en même temps, peut... Après, il faut dire que l'homophobie, la queerphobie, ce n'est pas le monopole des personnes qui ont de la mélanine. Mmh. Déjà, c'est important aussi de rappeler que cette façon de concevoir le genre binaire est typiquement un héritage colonial dans la plupart du fameux Sud global. Typiquement, il y a beaucoup, beaucoup de ces cultures qui ont commencé à devenir queerphobes, homophobes sur base de lois coloniales. Et il faut aussi se rappeler, par exemple, qu'il y a 100, 150 ans, les Français allaient à Marrakech vivre leur meilleur life queer parce que c'était plus souple qu'en France à l'époque. Ouais, ouais. Donc, je dis ça parce que quand on parle en tant que personne racisée ou non blanche ou non occidentale de... confronter l'homophobie ou la queerphobie dans sa culture, typiquement, on doit faire attention à ce que ça nourrisse pas ces narratives comme quoi nos cultures sont particulièrement arriérées, particulièrement patriarcales, particulièrement queerphobes, parce qu'aussi, on est dans une période qui est très homonationaliste, où les droits LGBT sont brandis pour la persécution, surtout des personnes musulmanes. Ouais. Et beaucoup de migrants de partout en Afrique, de se dire, ces personnes-là sont dangereuses, tout le monde s'en tape des droits LGBT, jusqu'à ce que ça serve d'excuse pour fermer des frontières. Et où, par exemple, on nous a dit beaucoup à nous, personnes queer, mais pourquoi est-ce que vous défendez les Palestiniens et Palestiniennes de Gaza ? Là-bas, on vous jetterait du haut des immeubles. Là-bas, tu crèverais sous une bombe. Queer ou hétéro. Donc, c'est dangereux, mais avant toute autre chose, c'est parce que voilà, c'est bombardé tous les jours. Mais du coup, ce livre d'Anna Zaïf est super. Je vois que d'ailleurs, Anna Zaïf fait aussi un podcast qui s'appelle À l'intersection et qui parle des réalités des diasporas nord-africaines, afrodescendantes et asiatiques en France, dans justement leur intersectionnalité. Waouh, ouais. Wow, ça balance de la ref. C'est vraiment quelqu'un de génial, allez le suivre. Super. Et du coup, plus proche de nous, justement, par exemple, toi, quand t'es approché par une organisation, par un événement qui prétend faire quelque chose d'intersectionnel, est-ce qu'il y a des marqueurs qui t'amènent à avoir une certaine confiance envers ça ou de la méfiance ? Est-ce que, par exemple, on parle souvent du fait que pour qu'un événement puisse être intersectionnel, par exemple entre racisme et queerphobie, il faut qu'il y ait des personnes racisées et queer dans l'organisation. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux pointer quand même qui aident, entre guillemets, ou qui sont une bonne idée pour des personnes qui voudraient organiser des événements intersectionnels ici à Bruxelles. Bah là, on rentre déjà dans un des points de nos scripts, de nos petits échanges mail, qui est que moi, j'ai historiquement séparé beaucoup mon travail scénique, mon travail de scène, de mon militantisme, on va dire. Je dis ça parce que je ne me considère pas comme quelqu'un de particulièrement militant ou courageux. Je trouve plutôt que je suis quelqu'un dans le coin des couillons. Je pense que je fais le minimum syndical. Je trouve absolument pas que je sois quelqu'un d'admirable. Et je ne cherche pas des compliments. Franchement, je ne sais pas. Et je pense par exemple au fait que... si ce n'est pas le cast le plus intersectionnel dans lequel j'ai été, était une production commerciale qui ne se voulait absolument pas militante politique, rien du tout. On était 9 sur scène et il y avait 5 personnes femmes, 4 personnes, 5 personnes masculines, 4 personnes féminines. Il y avait 3 personnes queer, ouvertement queer. On était 3 personnes non européennes. Donc quand même c'est un cast qui est en où il y a une équité, une parité de genre, où il y a énormément de représentation, et ça se voulait pas particulièrement politique. Mm-hmm. Alors que ça, je suis pas la première personne à le dire, le milieu queer et bruxellois est aussi continue très blanc. Il y a encore une grosse relativement peu de porosité entre les milieux queer cabaret et les milieux queer racisés. Mmh. Comme par exemple le milieu de la ballroom, etc. Le milieu de la ballroom est relativement isolé du milieu cabaret. Ouais. Je jure, je ne suis pas en train de chéder personne en particulier, mais tu vas voir du voguing par des personnes blanches en milieu de cabaret, par exemple. Mais du coup, qu'est-ce que je... c'est mon métier, c'est mon gagne-pain, la scène. Donc maintenant, depuis que j'ai le statut de travailleur des arts, depuis 2 ans, je peux mieux choisir mes projets. Mais avant, oui, j'ai pris tout et n'importe quoi parce que A, réseau, B, j'ai faim. On ne peut pas toujours choisir. Ça, mm-hmm. c'est un luxe aussi. J'essaie quand même de pas jouer pour des personnes affreuses. Ceci dit, j'ai fait des événementiels pour Philippe Maurice. Qui est le diable, et j'ai fait en sorte de redistribuer une partie de cet argent. Tu sors de là, tu te laves et tu fais des dons, mais quand t'as faim. Oui. Je suis pas le genre de personne vertueuse au point de crever de faim par ses principes quand j'ai faim. Ouais, voilà. Oui, donc ça rejoint une question, pardon, je te coupe, mais ça rejoint un peu une question qui est un peu une question tarte à la crème, mais la question du tokenisme. Ouais. On en a déjà parlé avec plusieurs artistes. Il y a des personnes qui disent, en gros, tu prends le gig et puis une fois que t'es dans la place, t'essayes d'y investir un maximum de valeurs qui te sont qui sont proches de toi pour en faire quand même quelque chose d'acceptable ou qui en tout cas qui est aligné avec ce que toi tu proposes. Toi, par exemple, par rapport à cette question du tokenisme, et donc du fait de... Petite alinéa pour les personnes qui ne sauraient pas. Donc, le tokenisme, c'est le fait d'aligner une personne, non pour ce qu'elle pourrait apporter artistiquement ou quoi dans le projet, mais pour pouvoir après dire, regardez, on a un artiste queer et un artiste racisé et une artiste grosse et ceci et cela. Et donc, plus cocher les cases et rentrer dans ce qu'on nous demande de faire, entre guillemets, que vraiment en défendant des valeurs, etc. Donc, toi, comment est-ce que tu te défends de ça ou comment est-ce que tu gères, surtout maintenant, comme tu dis, que tu as acquis une certaine stabilité par le statut de travailleur des arts. Oui, je mets des guillemets. Ouais, on est en train de faire des grosses guillemets. Oui, voilà, c'est ça. Mais au moins, on a une base, parce que moi aussi, je l'ai. Au moins, ça nous donne une base tous les mois qui nous assure de payer nos factures. Oui. Et ce que n'ont pas pas mal d'autres artistes, et notamment artistes queer, quoi. Mini parenthèse, mais je voyais, on est environ 8000 dans le pays à avoir le statut de travailleur des arts. Le secteur culturel belge, si tu inclus tout le monde, les gens sur scène, les gens en régie, les gens qui font des jobs administratifs dans le secteur, on est dans le quart du million. Mmh. On est une nano-minorité. Mmh. 8000 sur 250 000, ce n'est pas tout le monde. Oui, c'est bien de le... je suis très nulle en maths, mais ce n'est pas tout le monde. Oui, c'est ça. Même en se disant que les personnes qui font travail administratif ont souvent un CDI ou quoi, ça reste quand même une minorité des artistes qui en bénéficient. Ça reste quand même une minorité. Mais du coup, par rapport au tokenisme, bah, je pense qu'on voit ça surtout niveau racial, on le voit surtout depuis 2020, Black Lives Matter, George Floyd. Cette espèce de volonté, parfois ça vient d'un bon endroit de oh il faut mais le truc c'est que on veut des quick fix, on veut finir avec l'injustice comme en 30 secondes ou moins, et ça va prendre des années et des générations, peut-être probablement de travail acharné, d'arriver à un point d'équité, d'équilibre par rapport à des siècles d'inégalité et des siècles d'injustice, d'oppression légale, économique, raciale. Donc, c'est pas bouquer une personne. Donc, par exemple, en milieu du cirque, qui est celui que je connais officiellement le plus, on va dire, on va vouloir embaucher des personnes racisées. La plupart des personnes racisées dans le milieu du cirque institutionnel en Europe, j'explique pourquoi je fais cette différenciation tout à l'heure, tout de suite, et que on est des latinos. On est latino parce qu'il y a plus de chances que quelqu'un né au Mexique à 8-10 000 km finisse à l'ESAC qu'un gamin de Molenbeek. Donc l'ESAC, c'est l'école professionnalisante de cirque de Bruxelles. École supérieure des arts du cirque. Je suis en train de faire des grimaces. C'est une interview très radiophonique. Oui, moi je suis fait pour la télé, moi. mais du coup, et pourquoi ? Parce que là maintenant, si aujourd'hui je veux un acrobate racisé de haut niveau à Bruxelles, je vais probablement avoir affaire à un étranger. Parce qu'il y a encore beaucoup trop de problèmes de représentation de un et d'inégalité d'accès à quelque chose comme le cirque en tant que carrière professionnalisante. Il y a énormément de chômage dans notre milieu, il y a des risques très élevés, le matériel coûte énormément d'argent, ça dépend de quelle discipline tu fais, mais tu risques d'avoir besoin de beaucoup d'espace physique et de matériel qui coûte des milliers d'euros. Et donc, même si par exemple l'ESAC, l'école supérieure des arts du cirque, est depuis quelques années à Anderlecht, et c'est le cas de beaucoup d'écoles de cirque, comme le cirque prend beaucoup de place physiquement parlant. Ah oui. Typiquement, c'est en banlieue, typiquement, c'est dans des quartiers où le mètre carré est moins cher. Et c'est des quartiers à haute population racisée, migrante. C'est le cas ici, c'est le cas dans d'autres villes, c'est le cas aussi à... J'étais l'année dernière à Stockholm, où l'école du cirque là-bas, l'école préparatoire, parce que Stockholm, du coup, c'est la seule ville que je sache, je peux me tromper, checkez-moi, en Europe, où tu pourrais potentiellement faire tout le parcours. Des petits cours loisirs quand t'es gamin, jusqu'à des options cirque un peu lycée, et un lycée cirque, jusqu'à une UNIF. Je crois que c'est la seule ville où potentiellement tu pourrais faire tout le parcours sur place. Et l'école est dans un quartier démographiquement similaire de Molenbeek et Anderlecht. Et aucun de ces gamins de quartier n'arrive jusqu'à la fac. Donc, le secteur se pose. On ne sait pas pourquoi les gens ne viennent pas. On ne comprend pas. Ce n'est pas tout la faute des écoles. Il y a aussi beaucoup de politiques publiques qui jouent. Accès aux loisirs, accès au sport, accès à la culture. Il y a aussi des questions de représentation et on en parle beaucoup avec des amis. C'est pareil en tant que personne queer, tu vas dans un lieu, tu te dis, il y a personne que je puisse cloquer en tant que personne queer, je me sens un petit peu mal à l'aise, je vais faire un petit peu attention, ou c'est pas un endroit pour moi. En tant que personne racisée, tu fais la même chose, tu vas dans un spectacle, on a beau te dire l'art c'est pour tout le monde, tu vois personne qui te ressemble, tu vas pas te dire que c'est quelque chose pour toi. Et donc on a encore de gros soucis d'accès, et dans le milieu cabaret queer il y a encore cette différenciation, et c'est aussi parce qu'on est dans un... Bruxelles est une ville pauvre officiellement, je crois qu'il y a 33% des Bruxellois, Bruxelloises qui étaient sous le seuil de pauvreté avant la Covid, et donc qui peut se permettre de faire un truc franchement mal payé, mais où on s'attend à des costumes de centaines d'euros. Et économiquement, c'est Il y a de la précarité, mais il y a parfois une précarité avec du capital culturel, social aussi. Nous, en tant qu'artistes, on peut dire on est des artistes fauchés. Ce n'est pas le même type de pauvreté. Super. Non, mais merci, c'est bien. J'aime bien quand on tire un petit fil et puis que il y a toute une pelote qui commence à se défaire. J'ai fait un autisme. Non, mais c'était super. Comme l'heure tourne, on va déjà faire une première pause musicale. Et donc, tu nous amènes comme premier morceau un morceau de Chavela Vargas qui s'appelle Macorina. Est-ce que tu nous l'introduis ou est-ce qu'on se lance dedans? Je peux vous l'introduire. Chavela Vargas, qui est une grande icône de la musique, elle est costaricienne. Comment tu dis? Quelqu'un du Costa Rica. Ouais, elle vient du Costa Rica. Elle vient du Costa Rica. elle a passé la plupart de sa vie au Mexique. Elle est une Mexicaine honoris causa de par ses propres mots. Et donc, elle s'est spécialisée dans le genre de rancheras, qui est un genre musical typiquement chanté par des hommes. Et elle a osé ne pas changer les paroles. Et du coup, c'est une femme qui chante des chansons d'amour à des femmes en portant des pantalons à une époque où c'était absolument scandaleux. Elle est incroyable, elle a de très belle musique, elle a une sacrée histoire. Et Macorina, la femme à laquelle la chanson est dédiée, était une déesse cubaine, apparemment très très très belle, qui bougeait beaucoup dans les milieux aisés, politiques. Elle est quand même morte dans la grande pauvreté, forcément. Elle était plus belle quand elle était vieille. Mais c'était la première femme en Amérique latine à avoir un permis de conduire. Oh, wow. Ouais. Eh ben super, voilà. Merci pour cette intro. nous écoutons alors un petit morceau, parce que le morceau fait 6 minutes. Donc on va écouter ça fait 4 minutes, 3. Alors attends, parce que moi j'ai un morceau qui fait 6 minutes ici. Je vais lancer le début, peut-être que c'est une version... C'est peut-être une version live. Ah, c'est une version live. Ouais. Eh bien, nous allons chercher une autre version. Macorina. Ouais, c'est genre 2,51. Eh oui, tu vois, c'est pour ces raisons-là que c'est bien que ce soit pas du... Ah oui, voilà, j'ai un truc de 2,52. Voilà, c'est celle-là. Ben, y a op zoek naar een tweedehands auto. C'est pas ça non plus. Non. Voilà, donc nous écoutons Macorina de Chavela Vargas. Vous êtes sur Radio Panique et on vous retrouve pour la suite juste après ça. Macorina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Tus pies dejaban la estera y se escapaba tu saya buscando la gorda raya que al ver tu talla las cañas azucares se echaban por el camino para que tú las molieras como si fueses un molino. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano, ponme la mano aquí, Macorina. Senos, carne de Anón, tu boca una bendición de guanábana madura, y era tu fina cintura la misma de aquel danzón. Corina, ponme la mano. Después el amanecer que de mis brazos te lleva, y yo sin saber qué hacer de aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva con que me llenaste al son caliente de aquel. mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina. Ponme la mano aquí. Y voilà, c'était Macorina. Vous êtes toujours sur Radio Panique et c'est toujours Freaks et Merveilles. Merci pour ce beau morceau. De rien. Moi, je suis toujours chaud patate pour convertir des gens à ma religion de Chavela. Oui, j'ai même, en préparant l'émission, je suis tombé aussi sur des stories de toi qui disaient que même quand tu donnes des cours de pôle en Corée sur un morceau, tu fais un petit topic sur c'est quoi l'histoire du morceau, pourquoi tu choisis ce morceau-là, etc. Oui, je fais des blagues, je dis que mes cours c'est pôle et socialisme, pôle et histoire, pôle et espagnol. Mais c'est bien, je vais venir en suivre du coup. mais j'aime bien parce que c'est... Tu ne vas pas faire une conférence en cours de pôle. Le but reste d'apprendre à faire de la pôle et de danser, quand même. C'est bien, on rassure, le focus reste là-dessus. Mais c'est bien de donner un peu de contexte, notamment quand, par exemple, dans ce cas-ci, c'est de la musique qui est dans une langue qui n'est pas forcément parlée par les gens dans la salle. Mm-hmm. C'est bien de savoir sur quoi tu danses. Ça, c'est vrai. C'est toujours bien de savoir d'où viennent les paroles et tout. Et là, je suis en train de faire des easter eggs pour la deuxième chanson qu'on va mettre plus tard. Dramaturgie plus. J'adore, oui, c'est ça. Il y a des petites révélations et tout. Eh bien, nous rentrons dans l'acte 2 de cette émission, alors, puisqu'on en est aux références. Je voulais parler de ton militantisme, hein, dont on a dit que voilà, toi, tu estimes en faire le minimum syndical, mais en tout cas, vu de mon point de vue, c'est déjà pas mal. Et notamment, un des gros chantiers sur lesquels tu milites pas mal, c'est les conditions de travail matérielles dans nos secteurs, dans le secteur des arts, du cabaret, du cirque, etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qui se passe derrière le strass et les paillettes ? Tout à fait. Oui. Je pense beaucoup à ça et je sais que c'est un point un peu tendu, notamment au cabaret, parce qu'il y a plein de gens qui le font par besoin et par passion. Et je ne critique absolument pas ça. Mais ça peut être très compliqué et très délicat quand la ligne n'est pas claire entre un loisir, et je ne le dis pas de façon péjorative, et un métier. Pour moi, on est dans un contexte capitaliste, surprise, au cas où vous ne l'auriez pas encore entendu. Il faut, sauf si tu es pété de fric et ce n'est pas nous, il faut que tu échanges une forme de travail ou une autre pour de l'argent. C'est la base de mon militantisme et où je fais aussi des parallèles avec le TDS, etc., avec un tas de questions. Donc, il faut bien que tu fasses un truc pour bouffer. Et le problème, entre guillemets, c'est aussi que quand toi, tu fais une certaine activité pour, en tant que gagne-pain et que d'autres personnes le font pour le plaisir sans se soucier de la partie matérielle, financière, ce n'est la faute à personne, mais ça peut créer une certaine tension au niveau du marché du travail. Un exemple que j'aime bien donner, c'est j'ai une amie. Je ne donnerai pas son nom, mais si tu l'écoutes, tu sais que c'est toi. Je t'aime. Non, j'ai une amie qui faisait un métier M, on va dire, métier M, et qui s'est mis à faire du cirque pour le fun. Et qui, au début, faisait commençait à prendre des petits contrats payés, et je suis en train de faire des gros guillemets, genre 50 euros. C'est plus effrayé qu'autre chose. Ouais. Et moi, je me suis beaucoup énervée. Enfin, moi qui m'énerve, c'est plus... je fronce les sourcils. Mais disons, c'est pas cool parce qu'en fait, t'es en train de prendre des contrats qui devraient aller à des pros et qui devraient être payés plus que ça. Et on s'est bien un peu pris la tête à l'époque. Parce qu'ils disaient, oui, mais j'ai le droit de faire un truc qui me plaît. Ça me fait un peu d'argent de poche, mais aussi, c'est pas... Et fondamentalement, non, c'est pas, entre guillemets, de sa faute. Dans un monde idéal... les employeuses sauraient faire la distinction entre un professionnel et un amateur au niveau de la qualité du travail, aussi au niveau de la sécurité. Mais du coup, Fast forward quelques années, cette personne s'est reconvertie plein temps intermittent du spectacle. Elle a changé son discours. Parce que maintenant, elle dit, punaise, je galère à payer mon loyer. Je galère à être bien payée. Tout ce qu'on m'offre, c'est vraiment payé de la merde. C'est mal payé, c'est des miettes. Je dis pas, ouais. Et je dis pas que c'est pas que de ta faute. Le capitalisme fait toujours faire en sorte de faciliter de la main d'œuvre pas chère. Et dans ce contexte, c'est très compliqué. Donc, ce n'est pas la faute des gens qui prennent des petits cachets. Et moi, je tiens à dire, moi aussi, je me suis fait payer par moment très peu. Soit parce que j'étais en train de bâtir mon portfolio, soit parce que je me suis dit, ça va payer plus tard parce que réseau, soit je joue dans une belle maison, soit tout simplement, j'ai faim. Et 50 euros, ça fait la différence entre manger et pas manger. Et j'ai fait des trucs que maintenant je me dis, Seigneur Dieu, tu vois, j'ai fait de l'aérien sans assurance, j'ai fait de l'aérien en contrat bénévole, et j'ai fait ça dans une grande maison. Je ne dirais pas laquelle, je ne dirais pas pour qui, mais il y a aussi ça se fait aussi en milieu professionnel. Même dans ce qu'on appelle les institutions culturelles subsidiées, etc. Tout à fait, personne n'y échappe. Mais donc c'est ça la question, et par exemple, moi, je suis à un moment où je travaille entre guillemets très peu en milieu cabaret, parce que je n'ai pas envie de travailler pour peu d'argent. Parce que je suis une vieille chose. Non, parce que ça fait 10 ans que j'ai fini l'école. Mais oui. Et parce que je me dis que je n'ai juste pas ce genre d'énergie. Je ne suis pas à ce point-là de ma carrière. Et ça fait que j'ai plus travaillé, par exemple, en secteur flamand. D'accord. Mais je travaille moins dans ce milieu. Et je me dis, ce n'est pas parce que je m'en fous, mais c'est juste que non, je ne peux pas prendre un truc au chapeau. Ouais. C'est trop d'objectifs financiers, c'est trop de travail. Et je ne veux pas culpabiliser, parce que je ne veux pas tomber dans le piège de culpabiliser des personnes soit précaires, soit juste enthousiastes. Et surtout que les formes d'art contre-culturelles sont liées à ce truc-là de, on échappe aux institutions, on a de la liberté absolue. On est aussi pauvre et précaire, mais on est libre. Et oui. Alors qu'en institution, tu es beaucoup plus attaché au niveau de tes mains. Artistiquement parlant. Et de plus en plus, parce que les CA des théâtres, des grandes maisons, doivent correspondre aux proportions des gouvernements, par exemple. En institution flamande, tu as des personnes de l'NVA qui vont aimer certaines choses et pas aimer certaines choses. Et il y a le MR qui a débarqué dans beaucoup de CA les dernières élections côté exactement. Francophone. Ouais, donc, en grande maison, en milieu subventionné, c'est un peu plus tendu pour dire certaines choses, c'est un peu plus tendu pour un tas d'autres trucs. Mais donc, je reviens vers l'aspect de c'est quelque chose dont on parle peu. Ouais. Et il y a aussi le côté où, et moi, j'en étais coupable, mais à culpa, de... Comme tout le monde, j'ai envie d'avoir l'air successful. J'ai envie d'avoir l'air, du coup... Et maintenant, je suis au point de ma carrière, de connaissance du milieu, où parfois, je vois des agendas de gens. Oui, cette personne, oui, tu joues 15 fois sur le mois, ça va te faire 1000 balles. Oui. Ça, c'est du chapeau, ça, c'est du chapeau, ça, c'est payé 50 euros, etc. Mais on tient tellement à avoir l'air relevant, artistique et successful, et à cette image-là, qu'on tombe très vite dans le bluff. Parce que tu n'as pas envie d'avoir l'air de la personne qui ne travaille jamais, de la personne qui ne joue pas, qui n'a pas assez de talent, parce qu'on se dit que si tu ne joues pas, c'est que tu n'as pas de talent. C'est que sinon, on t'embaucherait. Eh ben oui. Et donc, ça, un truc nourrit l'autre aussi. Ouais. Parce que on se met la pression parce que tout le monde est en train de jouer. Il y a aussi le côté réseau où tu as l'impression que... Bah forcément, toi, tu vis avec toi-même. Toi, tu vois en pyjama avec les cheveux pas lavés. Et tu dis, ça craint un peu. Et tu vois que des stories de gens qui jouent. Oui, et puis il y a aussi cet effet que quand on te voit jouer, peut-être qu'après, on va t'engager pour jouer ailleurs parce qu'on t'a vu jouer quelque part et que donc le fait de jouer, ça amène de l'emploi, etc. Ce qui est factuellement vrai. Après, effectivement, si c'est de l'emploi... 50 balles pour une soirée complète où tu risques de te casser le cou sans assurance. Et encore, par exemple, ça c'est très courant dans le milieu du drag, beaucoup de drags ont un job alimentaire. Ouais. Ça, on en parle peu. Il y a très peu de... En milieu drag et burlesque, il y a les headliners qui gagnent suffisamment pour vivre que de ça. La plupart des gens ont un job alimentaire, ça fait partie du secteur. Mais ouais, pour moi, c'est un truc, un point dont il faut discuter. Je sais qu'il y a des discussions, je sais qu'il y a des personnes dans le milieu du cabaret qui ont fait appel à des réunions. Après, en Belgique, on a des barèmes dans la scène depuis des années. Ouais. On a une théorie de combien tu devrais payer quelqu'un qui a X et Y années d'expérience. Ça, ça existe depuis des années, ce n'est pas toujours appliqué. Et ça, c'est le double tranchant du RPI et du bénévolat et d'un tas de trucs. Et même nous, tu produis un petit cabaret, tu n'as pas les moyens de payer les gens selon les barèmes. Donc, c'est très beau que ça existe, mais si tu n'as pas les moyens, c'est compliqué. Mais oui, c'est ça. Et donc, donc pour moi, y a plusieurs choses dans ce que tu viens de dire. Mais effectivement, d'abord, ce fait d'accepter peu d'argent pour jouer, en fait, ça amène une espèce de norme où aujourd'hui, beaucoup de personnes qui veulent organiser des cabarets ne se rendent pas compte du coût du cabaret parce que se sont habitués au fait de payer 50 ou 70 euros ou 100 euros des artistes. Même, moi, j'ai déjà eu le cas avec des institutions qui venaient me demander d'organiser un cabaret. Et quand je leur annonçais que ce serait 2500 euros la soirée pour pouvoir payer les artistes correctement, ils me disaient « Ben non, nous, on a 1000 euros de budget. » Tu dis « Ah, bah 1000 euros, on sera deux pour faire la soirée. » Et puis voilà, quoi. Et là, ça les refroidissait d'un coup. Donc, il y a aussi, je trouve, même dans les institutions, cette vision que le cabaret, c'est pas du spectacle aussi bien payé que le reste, peut-être pas aussi légitime que du théâtre ou quoi. Alors qu'en plus, dans les arts du cabaret, c'est nous qui répétons nos numéros, qui créons nos numéros, qui faisons nos costumes, etc. etc. Merci pour ce grand chapitre sur la rémunération. Donc oui, j'en profite aussi pour préciser donc, ce dont tu parlais sur les réunions. Effectivement, moi, j'y participe. Donc c'est un... Alors, ce n'est pas encore clair, est-ce que ça va être un syndicat, une assemblée générale? En tout cas, il y a l'envie de se fédérer pour notamment créer des barèmes internes au cabaret et essayer de les appliquer à toutes les scènes autant possible. En soi, ça existe, c'est juste que... Oui, mais de les rehausser parce qu'on estime que, comme le cabaret, on fournit plus de travail en amont et que souvent les répétitions ne sont pas payées, la prestation, a priori, devrait être mieux payée que des comédiens, comédiennes, par exemple, payés pour un jour de répétition ou de représentation. Enfin, voilà. Donc, il y a des détails. Et puis aussi sur des chartes qu'on demanderait d'appliquer à des lieux, parce qu'il y a aussi tout le problème de créer des conventions avec les lieux qui nous assurent une sécurité, qui nous assurent de ne pas avoir pour loge des toilettes ou un fumoir ou quoi. Enfin, il y a plein d'autres choses. Mais c'est la vie d'artiste. Mais oui, exactement. C'est la vie de bohème. Je voulais élargir un petit peu, bon, même si on en a parlé par ailleurs, tu disais un peu plus tôt dans l'émission que tu gardais assez séparé ton activité militante et ton activité artistique. Et pourtant, moi, pour t'avoir vu performer et avoir même présenté un ou deux cabarets dans lesquels tu performais, je trouve que tu lis énormément les deux. Alors, il y a des numéros où clairement c'est plus le clown qui sort, mais je trouve même ton clown a souvent des accents politiques, mais... T'as des numéros qui sont un hommage affiché au TDS, aux personnes trans, à l'autodétermination des peuples, etc. Donc pour toi, quand même, c'est important d'infuser ces valeurs et ces valeurs dans ton art. Je t'écoute, je me dis, mais de quel numéro tu parles? disons que mon art a beaucoup changé ces dernières années. Parce qu'au début c'était mon métier, donc il y a ce côté où j'ai besoin de me faire payer. Et je tiens à dire, j'ai travaillé pour Philippe Maurice une fois et j'ai fait des dons à des assos après, je me sentais tellement sale. Ne cancellez pas Maro, s'il vous plaît. Non, ne me cancelle pas. Mais du coup, moi c'est aussi que jusqu'à il y a très peu de temps, moi je suis citoyen belge depuis 2 ans, je suis en Belgique depuis 2012, donc les gens qui savent faire des maths, il y a eu plusieurs années où je n'étais pas belge, mais je vivais en territoire belge. Les gens qui sont nés ici, surtout les personnes blanches, ne se rendent pas forcément compte de l'hostilité, de la violence du système migratoire. Même le système soi-disant légal, soi-disant formel, sans même parler du système d'asile qui sont pires. Je tiens à dire, le nouveau gouvernement nous a pondu un truc, c'est vraiment... c'est ignoble, c'est dégueulasse. Mais du coup, ma vie était en plus très précaire avant le statut de travailleur des arts. Je les ai eus à un mois d'écart. la citoyenneté et le statut. Ah oui. Donc, ça m'a changé la vie. Oui. Mais avant ça, ma vie était suffisamment exigeante pour vouloir revivre ça sur scène. Je voulais juste m'amuser. Et en même temps, depuis le début, je savais qu'il y avait des choses que je voulais éviter. Je voulais éviter d'être le latino de service. Et je ne critique pas les personnes qui font latino circus ou quoi. Chacun fait ses choix, tout comme il y a des personnes qui vont faire des projets très axés queer. Et moi, je ne centre pas mon travail là-dessus. C'est un choix et il n'y a pas un choix qui est mieux que l'autre. Mais du coup, je voulais faire depuis le début, c'est d'éviter de jouer sur mon ethnicité. Par exemple, les femmes asiatiques sont, je pense, les grandes championnes de la déshumanisation dans les pornos, et les femmes afrodescendantes, dans le milieu de hollywoodien, les films, entre guillemets, classiques, latina, c'est la catégorie de femmes qui apparaît le plus souvent nue ou presque nue, de façon sexualisée. Et c'est quelque chose que je vis, c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma vie, dans les commentaires des gens. Donc soit t'es hype et pito et t'es complètement con. Et ça m'est déjà arrivé aussi d'être dans des projets où je fais la plupart de la charge de production et administration, mais comme mes collègues étaient des personnes européennes blanches, les personnes s'adressaient à elles pour poser des questions. Oui. Et il fallait les renvoyer vers moi parce qu'on ne s'attend pas à ce que ce soit une personne racisée étrangère qui a un cerveau. Mais du coup, ce que j'ai fait depuis le début, c'est que je n'ai pas envie de jouer là-dessus et je refuse. On m'a dit, et je pense que j'aurais pu me faire plus de thunes si j'avais mis une robe rouge, une fleur sur les cheveux et mis de la musique latino. J'ai mis des années à jouer sur de la musique en espagnol. Et je l'ai fait sur Chavela Vargas, Paloma Negra. Mais je me perds un peu dans ta question. Mais oui, mais en même temps, c'est intéressant parce que ça dérive sur ton rapport à tes identités et à comment tu les mets ou tu ne les mets pas sur scène. Et donc, si je lis bien entre les lignes, donc dans un premier temps, la scène était plus un espace de liberté et de respiration pour toi et donc t'y amenais peut-être moins de militantisme parce que ta vie était entre guillemets dure comme ça et que c'était un espace d'expression et de... Non où je... Si, et c'est pour ça que... de nouveau, je dis tout avec le plus de nuances possible et c'est pour ça que parfois je peux avoir un certain scepticisme par rapport à l'autodétermination queer. Je pense que parfois on est un peu illusoire. Je sais que le monde va toujours interagir avec moi en tant qu'une femme racisée latino, indépendamment de comment moi-même je me perçois. Si seulement on pouvait changer comment le monde interagit avec nous, avec une déclaration d'identité, c'est une bataille. Je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller vers ça, mais du coup, au début, je crois que c'est aussi que je me suis dit, toutes ces personnes qui font de la scène, qui sont européennes, qui sont blanches, elles ont le droit d'être que des personnes, entre guillemets, et de toucher à tous les registres et de jouer tous les personnages. Bah, moi aussi, je veux ce droit. Je refuse d'être juste mis dans cette petite case de l'élément exotique, l'élément étranger. C'est ça. Ça a été ma façon. On a différentes façons de, je pense, de gérer et de se positionner par rapport à un monde qui nous met dans une case qui ne nous correspond pas et qui nous est violente. La mienne, c'était, bah, du coup, je vais aller partout sauf dans cette case. Oui, super. Voilà, ça c'était ma façon. Moi. Oui, oui, oui. Je ne dis pas que c'est la meilleure. Ça a marché pour moi. Et maintenant, avec les années, je me sens un peu plus mature pour aborder d'autres sujets, d'autres façons. Et je suis aussi quelqu'un de juste, j'ai plus d'expérience, je peux faire des dramaturgies, des écritures de numéros un peu plus en finesse qu'il y a 10 ans. Parce qu'on s'améliore avec l'âge. Et ben, heureusement. Parfois. Ça marche parfois. Voilà. Super. Merci, merci pour ce détournement de questions, mais qui était très bénéfique. C'était super. Puisque l'heure tourne, on va déjà faire le deuxième interlude musical, qui d'ailleurs, à mon avis, est assez à propos par rapport à ce dont on vient de parler. Oui. Donc le morceau s'appelle La Rebellion de Joe Arroyo. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement ? Bien sûr. Du coup, Joe Arroyo, c'était un musicien, compositeur principalement de salsa, qui vient de Cartagena, en Colombie. Ça ne sort pas de nulle part, je suis mi-colombienne, j'ai le passeport. et c'est une chanson qui si tu l'écoutes sans parler espagnol, tu te dis, oh, c'est joyeux, c'est la plage, c'est trop bien, c'est exotique. les paroles parlent du 17e siècle, les 1600, et de la période. En fait, il faut savoir que la traite des personnes afrodescendantes, des esclaves, au niveau de l'Amérique du Sud, ça fait principalement par Cartagena. Il y avait 3 ports principaux, dont Cartagena, qui était le plus grand. À une époque, vers le 17e siècle, genre les 3/4 des habitants de Cartagena, c'était des personnes afrodescendantes esclavisées. Je suis étranger. Qui était en esclavage. Et donc, cette chanson parle de l'histoire d'un couple d'esclaves qui est la propriété d'un Espagnol, qui les maltraite tellement, qui frappe tellement la femme, que l'homme se rebelle et mène une rébellion contre ce propriétaire d'esclaves. Voilà. Wow. L'esclavage, merci. C'est mal. Maintenant, nous allons pouvoir écouter cette chanson exotique avec une autre oreille. Vous êtes toujours sur Radio Panique, sur Freaks et Merveilles, et on se retrouve juste après ça. Bonne écoute. De la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Oui, bah effectivement, si on ne comprend pas l'espagnol, on danse bien là-dessus. On a envie de boire un petit Cuba Libre et de danser et de passer un bon moment. Mais oui. ouais, c'est une chanson décoloniale. C'est un des hymnes de Cartagena et une des chansons, je pense, les plus connues de Colombie. D'accord. Ouais. Ah, wow. Qui est, comme plusieurs pays d'Amérique latine, une société qui est encore façonnée par l'héritage colonial. Mmh. C'est pas le jour où tu dis qu'on est indépendant que tu défais des siècles d'injustice et de, comment tu dis, disenfranchisement des gens. De déclassement, de... Oui, d'abus et de violence. Et de... Oui, c'est ça. Parce qu'on avait des systèmes de caste en Amérique latine. Ah oui. Mais formel, et c'était sur ton passeport. Ah oui. Enfin, tu n'avais pas de passeport, mais tu avais des papiers. D'accord. Oui, c'était sur tes papiers officiels. Oui, oui, oui. D'accord. Et, c'est, bon. Et c'est vraiment... Ça, c'est les Espagnols qui ont institué ça. Et c'est plusieurs nomenclatures différentes en fonction de... Quel est ton pourcentage un autochtone espagnol, si c'est du côté du père ou de la mère? Parce que forcément, si c'est ton père le blanc, t'es un peu plus blanc que si c'est ta mère. Là là là. Ah bah oui. Sinon, c'est pas bien. Drôle. Et bien, pour cette dernière partie, bon, qui sera relativement courte, mais je voulais parler un petit peu de self-care avec toi. parce que je suis notamment tombé sur un post que tu as écrit récemment sur un petit séjour de quelques jours que tu as fait à Paris il y a une semaine ou deux, et où en fait tu as un peu passé ton temps à culpabiliser d'être là, à prendre du temps pour toi. Et du coup, comment on fait quand on est à ce point sensibilisé, enfin, on sent que ça t'habite, que c'est quelque chose qui t'accompagne au quotidien, ces valeurs et cet engagement politique? Comment est-ce qu'on fait pour un moment prendre soin de soi et lâcher? Après, c'est aussi que moi, je viens d'une famille, d'un milieu et d'un pays catholique. La culpabilité, c'est notre sport national. Je connais ça aussi, oui, effectivement. C'est, voilà, je suis quelqu'un de très fort pour culpabiliser. Mais oui, effectivement, je faisais la blague de j'ai pris 3 jours off, j'ai appelé ça des vacances. Mmh. Voilà, on en rigolait avec Olga Kalashnikova. parce que oui, je ne suis pas quelqu'un connu pour prendre du temps off d'une façon classique. Je me recharge autrement. Mais du coup, je pense que c'est pas juste le catholicisme, mais c'est aussi le côté où il y a une grande question de pureté militante aussi. Où si tu fais pas, si t'es pas le militante parfaite, au bûcher. Mm-hmm. Hashtag not all militant, mais... non, mais je vois bien de quoi tu parles aussi. Et comme... du coup, oui, il faut savoir se détacher de ce genre d'injonction qu'on peut subir dans ces milieux-là. C'est un acte de négociation et de jonglage, parce qu'aussi, il peut y avoir des vraies conséquences, comme il se peut que tu fasses un couac, parce qu'on est aussi des êtres humains et parfois on se plante avec des mauvaises intentions ou pas. Et ça peut avoir un coût réel sur sa santé mentale, parce que je pense qu'on sait pas très bien gérer, on sait plus trop bien gérer les conflits et les désaccords dans nos milieux militants et de gauche, etc. Moi, c'est un truc qui me préoccupe, parce que ce que je sens, c'est que oui, super, on va finir dans des bulles de 3 personnes qui ont exactement les mêmes façons de parler, de s'habiller et toutes les mêmes croyances. Mais avec 3 personnes, tu fais pas un peu politique. Je vais pas résoudre ça aujourd'hui. Mmh. Probablement pas demain non plus. On parlait de self-care. Alors, self-care. Voilà. Non, mais c'est comment tu lâches en même temps de vouloir bien faire et de sentir que tu dois bien faire. Et que comment oses-tu prendre un jour de plaisir? Comment oses-tu avoir du plaisir alors qu'il y a des enfants qui crèvent? Moi, j'essaye, je réussis pas toujours, mais déjà de me dire je suis juste un primate glorifié. J'ai un cerveau qui est fait pour cueillir des fruits dans la forêt et chercher un endroit à l'abri pour dormir le soir. Mon cerveau est littéralement incapable de processer le volume d'informations. Mon cerveau n'est pas fait pour savoir tout ce qui se passe partout dans le monde, à tout moment du jour et de la nuit. Déjà, j'essaye d'être un peu gentille avec moi-même sur cette base. Et puis, tout simplement, je suis aussi réaliste. Je sais que si je suis en burn-out au point où je ne suis plus fonctionnelle, je vais fondamentalement faire aucun bien. Je vais juste être comme un tapis par terre. Je vais rouler en boule en dessous de mon canapé. Et donc, c'est... et je sais qu'il y a aussi une grande littérature, notamment dans le féminisme afrodescendant, décolonial, sur le self-care comme une pratique décoloniale et surtout de longévité. Les personnes précaires, statistiquement, vivent moins longtemps. Plus tu es précaire, moins tu vis longtemps. Et c'est une vraie question de survie. Et tout ça, en même temps, on est bombardé. C'est un très mauvais pun. C'est pas un pun. de messages de « parce que tu le vaux bien »,« un bain avec des chandelles »,« fais-toi du bien », gna gna gna. Et toute la vraie industrie du bien-être néolibéral consommateur. Mmh. Je n'ai pas de réponse pour qui que ce soit, même pour moi-même, je n'en ai pas toujours. Je peux juste dire, on se connaît, on sait où on est, plus que qui que ce soit et plus que n'importe qui sur tes réseaux sociaux qui va avoir des avis. Et ça se joue, toi avec toi, et de dire, est-ce que j'ai besoin d'une pause ? Après, pour moi, j'aime bien voir ça de façon collective et de me dire... Parce que j'avais vu ça passer un moment par rapport aux gens qui disaient un post qui... Je ne vais pas le retrouver, si tu me demandes, je ne vais pas le retrouver. Peut-être. Mais un post qui disait, les gens qui disent, oh, je ne pourrais pas donner dans cette cagnotte parce que quelle cagnotte est la bonne ? Ça, c'est aussi un truc très individualiste où toi, en tant qu'individu, tu es la solution. C'est une question collective. Donne dans n'importe quelle cagnotte parce qu'une fois que cette cagnotte, elle aura atteint son but, les gens donneront dans les cagnottes encore ouvertes. Ah oui. Ouais. Et donc, ce que j'essaie de faire aussi, c'est de me dire, je fais confiance à ce collectif, de me dire, je prends du retrait pendant 3 jours, je fais confiance que les gens porteront les luttes, genre je porte toutes les luttes, mais aussi je m'engage à revenir et je m'engage à mettre de moi pour que d'autres personnes puissent partir en retrait pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui fasse tenir la ligne. Et qui a besoin de quoi ? Et c'est pas une question non plus d'égalité parce qu'on a des capacités différentes. J'ai plus de temps que mes potes qui ont des enfants, notamment les parents célibataires qui sont 80% des mères. Donc je peux foncer un peu plus que quelqu'un qui a une personne mineure à sa charge. Et en même temps, j'ai des capacités qui sont limitées à d'autres endroits parce que je suis une personne neurodivergente qui est en PLS très très vite dans des milieux avec beaucoup de stimuli, comme les salles dans lesquelles je joue. voilà, pour moi, c'est des petites questions de petites négociations et il faut faire de son mieux, mais surtout, il ne faut ni se dire « je reste ici jusqu'à brûler » parce que ça ne sert à rien, ça ne sert à personne. Ça ne va libérer absolument personne d'être en burn-out jusqu'à plus fonctionner, jusqu'à être une espèce de légume glorifié. Mais aussi, si tu te détaches complètement, ça ne fait du bien à personne non plus. Voilà, chacun fait ses négociations. Mais c'est bien, et puis je trouve ça bien de donner une piste vers justement le collectif et se dire qu'on est plusieurs à porter les choses chacun à notre manière et que si nous on prend une pause, c'est pas pour ça que tout s'écroule parce qu'en fait il y a plein d'autres gens qui portent aussi ça et qui contribuent aussi à ce que ça continue quoi. Et se dire dans l'autre sens aussi, de par exemple je vais en manif pour tous mes potes qui n'ont pas de papier, qui ont trop peur de se faire arrêter, déporter. De se dire aussi dans l'autre sens, pas juste je peux me permettre de prendre du recul, mais je fais ce que je peux pour que d'autres personnes puissent. Ça, c'est fondamentalement une notion de solidarité collective. Et super. De confiance. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour ça. Avant de te laisser partir, les petites questions rituelles que je pose à tout le monde. Oui. Alors, sans tous ces arts que tu pratiques, parce que d'habitude, j'en cite, mais là, il y en a trop. Sans ta pratique artistique, tu serais devenu quoi ? Tu serais devenu qui ? Avant de faire des arts de la scène, de me lancer professionnellement, j'étais dans un parcours pour faire de l'illustration. Oh, wow. Et tant mieux que je ne l'ai pas fait parce que je me serais fait bouffer par l'IA. voilà, auditoriste, je sais que c'est très rigolo de savoir à quoi tu ressemblerais en crevette qui monte sur une licorne sur un arc-en-ciel avec Nyan Nyan Cat, mais ça bouffe de l'eau et ça cause du chômage. Ne le faites pas. C'est mal. Merci. Donc tu... Employer des illustratrices, voilà. Ils ont faim. Comme le double de Maro qui ne sait pas tourner. comme le moi qui vit dans un univers parallèle et qui ne peut pas payer son loyer. Alors, si tu as tout le budget du monde pour un show, tu fais quoi ? Oh mon Dieu, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. J'ai paniqué. Je suis en déni de cette question depuis que tu me l'as envoyée. Je ne sais pas. À part payer tout le monde de façon très généreuse et de leur faire des petits massages et un petit catering, je ne sais pas. Non, mais c'est bien, si tes fondamentaux, c'est payer bien les gens et leur faire des massages et un catering, on peut s'accorder. C'est très important, on ne touche pas les gens sans demander. Très bien. Vous parlez beaucoup, ton corps et toi ? Oui, et de plus en plus, parce que je vieillis. Parce que je vieillis et que... J'ai eu la super idée de googler et je sais que la plupart des athlètes de haut niveau prennent leur retraite à 34 ans. Les danseurs de haut niveau dans les compagnies nationales, c'est 40 à 45. Moi, j'en ai 36. Mais du coup, je parle beaucoup avec mon corps dans cette question, quête de longévité, de j'aimerais exercer mon métier encore longtemps. Et surtout, je n'ai pas envie de finir avec un corps complètement détruit. Eh bien oui. Courage avec ça. Merci, j'en ai besoin. Plutôt freaks ou plutôt merveilles, Marjo? Oh, j'ai l'impression que je suis aucun. Je suis juste un gremlin du chaos dans un coin. J'accepte. Je sais pas. Gremlin. Non, c'est toute la provocation de poser une question binaire dans cette émission. C'est de... Ouais, je sais pas. Je pense que ma mère trouve que je suis quelqu'un de merveilleux, mais c'est ma mère. Elle est payée pour. C'est son boulot. C'est ça. Et elle a la pression symbolique de le dire. Après, on le sait, on l'a dit. Je suis l'enfant le plus drôle de ma fratrie. Eh bien, en tout cas, c'était un grand plaisir de t'avoir, petit gremlin du chaos et enfant le plus drôle de ta fratrie. Merci d'être passé par ici. Je te souhaite une très longue et heureuse vie et un très long et heureux métier parmi nous et ailleurs. Merci. Et puis, à très vite. À tout de suite. Salut. Voici qui clôture cet épisode de Freaks et Merveilles. La saison devrait s'arrêter là, mais j'ai une dernière surprise avant le break d'été. Début juillet, l'équipe de Famille Choisie sera dans l'émission. L'occasion de décortiquer ce très beau documentaire avec Elisa Védéka, sa réalisatrice, mais aussi Mama Tituba et Dame Lilibeth, deux des personnes dont on suit le parcours pendant ce beau documentaire. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore vu, il est actuellement disponible gratuitement sur Ovio, donc vous n'avez aucune excuse. En attendant, il y a plein d'autres épisodes à découvrir sur vos plateformes podcastiques favorites. Et si vous voulez être informé des actus du cabaret queer sans passer par les réseaux sociaux, contactez-moi via mail freaksetmerveilles@protonmail.com et je vous inscrirai sur la newsletter Glitter Garage. Freaks et Merveilles est une émission imaginée, enregistrée, montée et diffusée par Croc. Les visuels sont de Maël Christin et les audios de King Baxter. Elle est propulsée par Murmure ASBL et diffusée un samedi sur deux sur Radio Panique. Merci à ELE. Et n'oubliez pas le plus important, allez voir les Freaks, les Merveilles et les Gremlins du Chaos sur scène.